Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Je ne demande pas le grand, le lointain, le romantique. Ce qu'on fait en Italie et en Arabie, ce qu'est l'art grec ou la poésie de Ménestrel Provençaux. J'embrasse le commun, j'explore le familier, le bas et suis assis à leurs pieds. Cette phrase prononcée par Ralph Waldo Emerson en août 1837 pourrait se lire comme la devise de l'un de ceux qui l'ont étudié avec la plus grande attention, le philosophe américain Stanley Cavell. Né en 1926 à Atlanta, ce dernier a été étudiant à Harvard avant d'y devenir enseignant à son tour. En 2007, à l'occasion de son passage en France, il accordait à Philippe Petit une série d'entretiens pour A Voix Nue. Dans le troisième volet de cette rencontre, il portait un regard sur la démocratie américaine contemporaine, George W. Bush était alors président des États-Unis, et revenait sur l'importance décisive pour lui de deux philosophes, Ludwig Wittgenstein et John Austin. À voix nue, Stanley Cavell au micro de Philippe Petit, troisième volet, une émission diffusée pour la première fois le 23 janvier 2008. À voix nue, Stanley Cavell s'entretient avec Philippe Petit. Stanley Cavell, nous avons évoqué la figure de Emerson, qui est le penseur du consentement, mais aussi de la désobéissance civile. Sa phrase « Les mots sont des actions et les actions des sortes de mots » est une phrase classique aux États-Unis. Et Emerson est donc aussi le penseur de l'accord moral conçu comme une revendication politique, ce qui signifie simplement ceci, je suis ramené à moi-même et à la recherche de ma position politique et de ma voix constamment, et penser la démocratie, c'est penser en même temps la désobéissance. Stanley Cavell, la désobéissance civile, ce n'est pas toujours possible. Et je crois que les exemples récents, la situation récente aux États-Unis durant cette fameuse guerre d'Irak est là pour nous le rappeler. Stanley Cavell, l'Amérique de la promesse, l'Amérique du renouveau, l'Amérique de la Renaissance, l'Amérique de la deuxième chance, l'Amérique, Jean Baudrillard parle d'utopie réalisée. Pour le démocrate radical et le non-conformiste, j'ai envie de dire tout va bien. Mais Stanley Cavell, comment avez-vous vécu ces années de resserrement démocratique sous la présidence de Bush? Comment avez-vous vécu l'après 11 septembre? Comment avez-vous vécu l'intervention en Irak? Comment avez-vous vécu les restrictions des libertés publiques aux États-Unis ces dernières années? Qui, du fait des récents votes au Sénat, indique qu'elles sont peut-être en voie d'achèvement? I hope we've seen the end of it. J'espère que nous en voyons la fin. Yes, they have been terrible years. And it certainly has to do with the sense of nous avons vécu des années difficiles, terribles. Still deformed child of America. Et je pense que cela a à really voir avec cette cet enfant précieux, cet enfant déformé des États-Unis qui fait qu'on en oublie comment les choses auraient dû être. Mais j'y vois une nouveauté. Beaucoup de gens ont fait le parallèle avec le Vietnam. There are obvious comparisons to make. De toute évidence, il y a des points de comparaison évidents avec le Vietnam. There is an extreme difference. Mais il y a une différence fondamentale. This adventure in Iraq entre and Vietnam. Cette aventure en Irak et ce qui s'est passé au Vietnam. And the difference For me, the main difference when I say there's a new element. Quand je parle d'éléments nouveaux, pour moi, la grande différence, c'est ce sentiment de désarroi à la lumière de ce qui a été dit. On ne pouvait pas écouter les mots prononcés, les mots sonnaient tous faux. Tout cela semblait si inutile, si étrange. Mais ce sentiment d'impuissance, de désarroi, évidemment, on se sentait impuissant face au Vietnam, mais les gens étaient dans la rue. Tous les étudiants de toutes les universités américaines manifestaient dans les rues, nous étions dans les rues, et on faisait entendre nos voix, on résistait. Et tous les journaux en parlaient. Mais dans le cas de l'Irak, c'était soudain comme si chacun se retrouvait paralysé. Que se passe-t-il? Pourquoi ne sommes-nous pas en train de manifester dans les rues? Et Bush dit, nous sommes en guerre. Où est la guerre? Quelle guerre? Je suis le président en temps de guerre, a-t-il dit. Et il a mis sa veste militaire. Stanley Cavell, vous disiez que la question philosophique par excellence, c'était... Qu'est-ce qui s'est passé? Et alors, c'était à propos du langage philosophique. Mais là, qu'est-ce qui s'est passé politiquement, justement, pour assister à une telle impuissance, selon vous? Well, in effect, nothing happened. What happened? Rien ne s'est passé. What shows? Ce qui s'est passé, ce qu'on voit, c'est que la recherche de la démocratie, c'est quelque chose de très fragile, de vulnérable. Les gens ont oublié ce que c'est que d'avoir une démocratie, une liberté religieuse. Et la recherche de l'égalité, la recherche de la liberté. Et que si l'on perd cela de vue, on peut faire beaucoup de mal, du mal qui va perdurer longtemps, des années. On peut changer le système politique et tout cela nous a fait très peur. Alors bien sûr, nous étions tous amis de la même opinion et on se disait ces choses les uns aux autres. Moi, je viens du Massachusetts, alors évidemment, à Cambridge, à Boston, au MIT, ce sont des endroits où on peut librement dire ces choses. Mais on peut également se rendre fous les uns les autres de se dire, mais où sont-ils tous ces millions d'Américains qui croient vraiment à tout cela? For people who have honest feelings, you don't want to feel that the president of the United States and his vice president of the United States. Pour des gens qui se sentent tout à fait responsables, c'est difficile de penser que le président, le vice-président, le ministre de la défense ne savent pas ce qu'ils font et ne comprennent pas ce qu'ils sont en train de mettre en place. La plupart des gens ne veulent même pas envisager cette option. C'est effrayant. La plupart des gens ne réfléchissent pas à leur vie de manière intellectuelle. Ils vivent leur vie. Point. Et de leur dire, vous mentez, il faut dire à vos enfants que le gouvernement leur ment. Si vous le pouvez, vous pouvez détruire beaucoup. Il suffit de pas grand-chose pour faire beaucoup de mal. On réorganise la manière dont les votes sont enregistrés et personne ne s'y oppose. Personne ne dit non. Les membres du Congrès, les membres du Sénat, personne n'est en mesure de dire non. Et les étudiants ne s'enrôlent pas dans l'armée. Donc ils sont tout aussi impuissants que vous. C'est insaisissable, c'est comme de la fumée ou de l'eau. On peut faire beaucoup de mal à la démocratie si on n'est pas prudent. C'est un enfant, il faut s'en occuper, le nourrir, le soigner. L'Amérique est un enfant précieux et la démocratie aussi est un enfant précieux à préserver. Je suis d'accord avec vous. Il y a un point important, je crois, dans la manière dont vous optez pour mettre à distance un certain nombre de croyances philosophiques qu'on peut appeler des présupposés, c'est que vous pensez être, à juste titre, non seulement un héritier, mais aussi quelqu'un qui sait débattre au milieu de cultures philosophiques différentes. C'est-à-dire, vous êtes à la fois un héritier et un intercesseur, un passeur, et cela pour vous est essentiel puisque c'est votre manière d'être attentif à la voix humaine et justement de donner un contenu encore peut-être plus probant au concept d'approche qui n'est pas le proche, qui n'est pas la proximité, mais qui est, dans la lignée de ce que disait déjà Wittgenstein, cette manière dont on appréhende la grammaire qui nous dit quel genre d'objet est quelque chose. Et il semblerait que vous, justement, en accordant énormément d'importance à la fois au scepticisme et à la vie ordinaire, vous ayez réalisé le programme de vos deux maîtres, Austin pour la philosophie du langage et Wittgenstein pour la philosophie des formes de la vie pratique telle qu'elle peut se dire et se parler. So it's again the question of fulfilled. Encore, c'est une question de tenir un engagement, de tenir une promesse. So one thing to say initially about whether the skeptical project has been overcome or fulfilled. Alors quand on parle de ce projet sur le scepticisme, de dire qu'il a été tenu, rempli, accompli, c'est une chose. Is again something that I owe to Wittgenstein, importantly. Et c'est quelque chose que je dois essentiellement à Wittgenstein. The main part of the philosophical investigations. Dans recherche philosophique, investigation philosophique. It takes the form of 693 sections, little sections. Some are one sentence. On retrouve. Some are a page. 693 sections qui sont parfois composées de lignes, de pages. It looks a big book because it's usually translated. The German is usually there with another language. C'est un livre en général qui est assez épais parce qu'on a l'allemand plus une autre langue, mais c'est en fait un ouvrage assez concis. 693 segments de longueur variable. Is that the book begins? No, but it's the book begins. Dans 693 times. And this means to me. On a un livre qui commence 693 fois. Ce qui pour moi veut dire qu'il s'achève également 693 fois. Is this fulfillment? Est-ce que c'est cela que de remplir un contrat, de tenir? It fulfills itself. Est-ce que c'est un accomplissement parce que ce livre s'accomplit 693 fois? One time for every question. Une fois pour chaque question. C'est comme cela que je me le représente. And there's no assurance that there won't be a 694th question. Mais je n'ai aucune certitude qu'il n'y aura pas un jour une 694e question. C'est inéluctable. And the human being, as Descartes, l'être humain, comme le dit Descartes, always thinks. Pense constamment. This can sound as though Descartes is praising human beings. Il semblerait, ce faisant, que Descartes fasse l'éloge de l'être humain, constamment en train de réfléchir, mais c'est également une damnation. That you are, the human being is such, you can't help. L'être humain est ainsi constitué, on ne peut pas faire autre chose que de penser. So of course we ask c'est la malédiction de l'humain. Donc, on se pose la question de comment est-ce que la philosophie peut commencer. Et Wittgenstein nous enseigne à poser la question suivante et parallèle. Comment est-ce que la philosophie peut-elle jamais s'arrêter ou s'interrompre ? Étant donné que nous avons ce don inédit de la parole. Stanley Cavell, mais là, justement, c'est pas la preuve que chez Wittgenstein, peut-être, la philosophie ne commence pas à proprement parler. Parce que quand je disais tout à l'heure que vous mettiez à distance un certain nombre de croyances philosophiques ou de présupposés, ça veut dire, par exemple, pour le dire de façon triviale, je pense donc je suis, voilà un présupposé. Bah, pourquoi croire à celui-ci plutôt que au Conatus de Spinoza ou à la volonté de puissance de Nietzsche? Or, vous, ce qui vous a apparemment séduit dans cette certitude, entre guillemets, de Wittgenstein, c'est que il n'y en avait pas au moins de certitude vis-à-vis des croyances philosophiques et que l'examen que va mettre à nu Wittgenstein, c'est un examen qui se rapporte aux convictions de chacun, hein, donc à la voie ordinaire de l'homme commun. Et c'est peut-être pour cela que vous êtes entré plus facilement dans Wittgenstein. Et c'est peut-être cela aussi une voie, ou le claim de la raison. I hope so. Je l'espère. That I can put it another way, that either we get our living together or we die. Pour dire les choses simplement, je dirais où on arrive à vivre ensemble ou on meurt. I appreciate your pointing your finger at me. J'aime le fait and seeing my ambition que vous to inherit me montriez de doigts et mettiez ainsi à nu mon ambition d'être le digne héritier de ce contenu. J'essaie de l'être. C'est un processus en cours. I hope my friends tell me when I'm no longer thinking. Et j'espère que mes amis auront la décence de me le dire quand je ne serai plus en mesure de réfléchir. So long as I'm thinking, mais I'm going to go on. Tant que je peux réfléchir, je vais continuer à réfléchir à cette question. Stanley Cavell, mais pourquoi, non pas au bout, parce que vous n'êtes pas du tout un auteur linéaire. Là, on parle de Wittgenstein. Mais dans votre autobiographie, il y a deux nouveaux personnages qui surgissent. Gershom Scholem, Walter Benjamin. Et il y a une phrase, une expression plutôt de Walter Benjamin, qui pourrait d'ailleurs s'appliquer au cinéma. Benjamin disait qu'il s'intéressait à tout ce qui faisait apparaître le fond commun des choses, le fond commun de l'humanité, le fond commun de l'humanité. Et vous venez de me dire, bah oui, finalement, hein, soit on arrive à vivre ensemble, soit on meurt. Est-ce que vous n'êtes pas aussi, et vous l'avez peut-être découvert parfois à vos dépens, cet héritier-là de Walter Benjamin? Comment faire découvrir aux hommes le fond commun de l'humanité? Well, I would love to think so. Yes, a great figure, de Benjamin, caractère fantastique, tragique, in various ways. Tragique à plusieurs égards. About the discovery of the common, of course I sur la découverte agree du fond commun, alors. To that, and when Benjamin je is fashionable, je suis d'accord avec cette notion et He's not read very well. Quand Benjamin est à la mode, il n'est pas très bien lu. For example, when you idolize Father Benjamin, you take this one text. Quand on l'idolâtre, on prend about film. Ce it's a great texte text. Sur le cinéma. En isolation, c'est un texte fantastique. But it's not a text that mais reads any film. Il n'interprète pas, il ne lit aucun film. And you can't. You can't tell them there are others who use it to say that he thinks film is no more important than Mickey Mouse. Ce texte pour dire que à ses yeux le cinéma n'est pas plus important que Mickey. Of course, vous parlez de l'œuvre d'art à l'heure de sa reproduction. That's right. Yes. I give another so I don't want to idolize this work. I mean, the stuff on the Arcade je ne veux pas is absolutely sublime. I mean, everybody knows that. It is Arcade absolutely inspiration. Tout le monde le connaît. C'est une source d'inspiration incontestable. And it also comes out of something, the connection with Benjamin. Comes really out of ce the lien section avec Benjamin in The World Viewed, the first book about film, in the section on Baudelaire. De la section sur Baudelaire dans mon premier livre sur le cinéma, à savoir La projection du monde. The promenade, the walker in the city. La promenade, le promeneur that's dans la ville. That's the place I'm going to say that film was discovered. Voilà pour moi l'endroit de découverte du cinéma dans Baudelaire. This is not false about Walter Benjamin. Also, discovering this way. Et ce n'est pas faux non plus de dire ça de Walter Benjamin, cette manière de se promener dans une ville, de découvrir une ville. Sort of intimate connection. C'est une connexion immédiate, intime. That I see. Que je ressens. I want to add a word to something before about. Mais je veux. About fulfillment. Revenir à ce que j'ai dit précédemment sur la notion de l'accomplissement et ce que le cinéma peut procurer cet accomplissement. And that is, it has to do with my saying that always to think, to be unable not to think, c'est lié au fait que j'ai parlé de l'homme comme étant tout le temps en train de réfléchir, d'être incapable de ne pas penser, de ne pas trouver. Ce que Wittgenstein appelle la paix, la paix s'évanouit à l'instant même où on la découvre. Elle s'évanouit. So, human restlessness. Donc cette agitation perpétuelle, cette agitation humaine, est pour moi ce qui ressort de la voix de Wittgenstein. Hegel has an end to it in the absolute. For Wittgenstein, l'être the humain only end est constamment en effervescence, en agitation. Pour Wittgenstein, il y a une fin, une interruption, une question que je me pose, et dès que je la touche du doigt, elle disparaît. I'm losing a word, just a minute, I find it. Yes, that the human being in the portrait, in the investigations, is inherently vulnerable. L'être humain dans le portrait, dans les recherches philosophiques, est intrinsèquement vulnérable et exposé. To radiation, les of course, if they want to kill us all, they'll kill us. Exposés all. Les uns aux autres aux radiations but également. That, si on veut nous tuer, on nous tuera. Mais we avant expose ourselves, même, nous and otherwise, exposons we are not known. Les uns les autres. Et sinon, and do we want to be known? Nous ne sommes pas connus et voulons-nous être connus? This is my. This is my answer to Montaigne. C'est ma réponse à Montaigne. What do I know? Then the question is, do I want to know? Qu'est-ce que je connais? La réponse est, est-ce que je veux le connaître? Est-ce que je veux être connu? I mean, what else can one say but yes and no? And it goes on. Et la réponse. Known by whom, for what? Quelle peut être la réponse si ce n'est oui ou non? Connu de qui, pour qui? But there's no place in life outside of life. Mais il n'y a aucun endroit dans la vie hors de la vie, sauf si. Et quelle différence faites-vous entre être connu et être reconnu, puisque nous avons parlé de la reconnaissance. Being known and being acknowledged. Last question. It's the difference between being accepted and rejected. C'est la différence entre être accepté et être rejeté. Mais la reconnaissance. C'est ce qui doit aboutir. Not finally. If you have a king, then the king can put the sword on your shoulder. Si vous êtes dans un royaume, and recognize you. Le roi peut vous adouber, peut poser l'épée sur votre épaule et vous reconnaître. But in the world I want to live in a democratic world. Mais dans le monde que je souhaite, le monde démocratique, il n'y a pas de reconnaissance finale. Personne n'a le pouvoir de le faire. En tout cas, je l'espère. Je voudrais achever momentanément ce petit parcours autobiographique, mais chez vous, l'entrelac, le mélange, le tissage de l'autobiographie et de la philosophie sont consubstantiels à votre manière de décrire, d'approcher, d'aborder la caverne de la vie ordinaire. Il y a un autre point qui m'a marqué également, c'est lorsque vous parlez de la figure de l'enfant fou, de vous-même, et que vous évoquez la destruction spirituelle que produisait chez vous la querelle, les querelles de vos parents. Et on a l'impression que là encore, une autre scène se joue, que la scène de l'enfance, mais cette autre scène sera justement peut-être pour vous le point d'appui sur lequel vous reviendrez ultérieurement. Yes, and this was encouraged me. C'est cela this qui idea m'a of the scene of childhood. Encouragé cette scène de l'enfance. I felt very confirmed. Je me suis senti tout à fait fondé à explorer cela par l'ouverture que fait Wittgenstein. After all, opens parce que with, the memory of an older man. Il commence saint, en citant les mémoires d'un vieil homme qui était un saint, mais qui est également un homme and très sage, saint Augustin. Et dans le début de l'investigation, il se souvient avoir été enfant. Language. Et apprendre à parler. And, that made for me, an image of philosophy beginning et c'est pour at the moi beginning, une image vivace de la philosophie qui commence au début de la vie, au début d'une vie. Struck me, that made a connection c'est quelque with Wittgenstein chose that I've never qui lost. M'a marqué. It's cela a établi un lien avec Wittgenstein que je n'ai jamais perdu. Ce n'est pas comme ça que la plupart des gens abordent l'ouvrage de Wittgenstein, mais c'est quelque chose qui m'a frappé. Et il y est fidèle. Vous vous dites être en contact toute la vie. Moi, je trouve que ce texte est en contact direct avec cette idée que qui que nous devenions, nous sommes pour toujours cet enfant et que l'on peut être en relation avec cet enfant. Merci Stanley Cavell pour ses pérégrinations dans la politique américaine et aussi autour des querelles de vos parents que nous avons quittées. C'était À Voix Nue, une série d'entretiens avec Stanley Cavell proposée par Philippe Petit. Réalisation Laetitia Coya. Cette émission a été diffusée pour la première fois le 23 janvier 2008.